coup de foudre dès le premier regard. Pas de baiser qui soude le crapaud au nénuphar. Pas non plus de mots doux, ni même de caresses sur la joue puis le cou. Encore moins sur les fesses. Juste des petits messages sur le téléphone de ces deux petits anges qui attendent qu'il sonne. Pas de premier rendez-vous, pas de ciné, pas de resto. Ils s'écrivent et c'est fou ce que disent ces textos. Elle a déjà un amour qui est sûrement un mec bien. Et lui rêve tous les jours qu'elle le quitte demain. Pas de soirée canapé, pas de fleurs ni de bijoux. Elle lit un vieux papier et lui boit un coup. Bien sûr, certains soirs où ils se montrent entreprenants, ils croient voir un espoir, et puis finalement non. Mais ce qui rendrait morose cette lectrice charmée serait qu'un jour il ose poser une ligne privée. Pour l'heure, hors de question, pour sa maîtresse fidèle, de rompre cette relation. Pour l'heure, hors de question, pour sa maîtresse fidèle, de rompre cette relation strictement textuelle.